Chapitre 9e, en chasse. Du haut des rocs, du point de vue du camp de Chailly, où il venait d'arriver, la reine des Bohémiens et le chasseur de vipères voyaient se dérouler à leurs pieds sans lieu carré de terrain. À droite, les vallées où jaunissaient les moissons, les collines que les pampres verdissaient et les montagnes qui se perdaient dans la nue. À gauche, les bois, devant eux, l'abîme. Il faut aller en Algérie, dans le Djedjera, pour retrouver des sites aussi tourmentés que cette cascade de rochers qui descend du point de vue du camp de Chailly, semble rouler des blocs énormes et amonceler jusqu'au carrefour de l'épine, par masses colossales, des grès gigantesques arrachés au sommet. Les poses de ces pierres immenses sont si risquées, l'équilibre ensemble si compromis, que l'on ne peut s'habituer à croire qu'elles sont stables. L'œil subit l'illusion du mouvement. Ainsi un tableau d'avalanche. Quoique les objets représentés par le pinceau soient en réalité immobiles sur la toile, ils semblent se précipiter le long des pentes. L'effet est le même au point de vue du camp de Chailly. On s'épouvante au bas de ce précipice. En haut, l'on subit l'attraction du vertige. Dans les sentiers abrupts qui contournent les rochers suspendus au flanc de l'abîme, on est terrifié par le péril que l'on sent prêt à s'abattre sur ses épaules. Un grain de poussière dérangé, un pouce de graisse effritant et des blocs entiers, qui s'appuient les uns sur les autres, s'effondreraient sur le touriste. Peu d'années se passent sans qu'on signale des éboulements. La journée avait été chaude. La soirée était orageuse. Une menace de tempête pesait sur la grande forêt, dont l'océan de verdure s'étendait à perte de vue, immobile et chargé d'électricité. Les feuilles asséchées tombaient le long des rameaux. Des vapeurs rousses s'élevaient des clairières. Les arbres semblaient alanguis et pliés sans force sous le poids des branches. Dans les massifs, le silence lourd, précurseur des bouleversements du sol ou de l'air, l'instinct subtil des fauves les poussa à se blottir dans leurs abris. L'insecte se cachait, l'oiseau se perchait, l'inquiétude planait partout, étouffant les voix et paralysant les mouvements. Le ciel bleu se tachait de teintes brunes qui allaient s'élargissant et jetant dans l'espace un voile encore transparent, mais qui s'épaississait de plus en plus. Tel était le terrain de chasse qu'avait choisi le vieil Arruche. La comtesse et son compagnon contemplaient le spectacle merveilleux qui s'offrait à leurs yeux. Ils couronnaient tous deux les hauteurs d'une étrange façon. Elle, vêtue de haillons, mais admirablement belle et fière, projetait sur cette nature en révolte le rayonnement de sa beauté. Lui, levant sa tête austère, illuminé par l'espoir de la réhabilitation, semblait un patriarche des premiers âges du monde. Sa grande ombre descendait les pentes et dessinait une bizarre silhouette sur les rochers. Pendant quelques instants, ils restèrent muets. Leurs âmes de bohémiens, accessibles aux profondes impressions des grands spectacles de la nature, étaient saisies d'admiration. Arruche dit enfin d'une voix lente « Ne trouves-tu point, Elora, que cette forêt d'Europe nous rappelle la patrie perdue ?» Ces bois sont à certaines heures sauvages et solitaires, comme ceux de l'Inde. Le sol y prend les teintes chaudes de l'Orient. D'uns sites sont assez pittoresques pour être sans rivaux dans leur originalité saisissante. Et quand la tempête, comme aujourd'hui, se prépare lentement dans le ciel, cette forêt prend un aspect qui met autant d'anxiété dans le cœur des hommes que d'effroi dans les hordes des fauves. Tout tremble, l'orage sera terrible. Et le vieillard, qui avait déposé sur le sol son attirail de chasse, ramassa du bois mort et forma un foyer avec deux pierres. Il alluma un feu. La comtesse, étonnée, le regardait faire. Il procédait gravement à ses préparatifs. Lorsque la flamme, après avoir brûlé le bois, fut tombée, ne laissant que des charbons, Arruche plaça sur les deux pierres cette chaudière de cuivre qui avait intrigué jusqu'ici la comtesse. Le vieillard prit ensuite le sac de cuir percé de petits trous qu'il portait à son cou. Il l'ouvrit et la comtesse vit aussitôt des têtes de vipères paraître à l'orifice, projetant leurs langues affilées de tous côtés et se balançant en cadence. Arruche saisit sans hésitation et à pleine main les reptiles, il les lança dans la chaudière dont le métal s'échauffait lentement. Tout d'abord, elles s'allongèrent délicieusement sur le fond tiède de la chaudière. Elles se laissaient pénétrer voluptueusement par les vapeurs chaudes. Elles s'étiraient, rampaient doucement. Leurs petits yeux noirs s'animaient et brillaient d'un éclat plus vif. Elles s'enlaçaient et parfois leurs six corps ne formaient qu'une seule pelote. Arruche jeta quelques brins de buis sur les charbons. La chaleur devint plus intense. Peu à peu, les vipères parurent éprouver des sensations sinon douloureuses, du moins plus ardentes. Elles s'agitèrent, se séparèrent pour ne plus se réunir et rompèrent avec une rapidité extrême. Elles essayaient de fuir. Laura les vit tenter de gagner les bords de la chaudière, mais celle-ci était ainsi faite que l'ouverture plus étroite que le fond surplombait. Les reptiles retombaient toujours. Yarush mit encore quelques brins de bois sec sur le foyer. Il combinait savamment les effets de son feu, tâtant lui-même le cuivre avec la main, s'assurant du degré de calorique qu'il avait atteint. Bientôt les vipères souffrirent et s'irritèrent. Laura remarqua l'étrange éclat de leurs prunelles. Elles se dressèrent sur leur queue et se mirent à siffler avec fureur. Leurs appels devaient s'entendre à plus d'une demi-lieue de là. Aruj, depuis ce moment, cessa d'activer la flamme. L'effet était produit. Rien de hideux comme l'aspect de cette chaudière. Les reptiles exprimaient leur désespoir avec une rage inouïe. Tantôt debout, appuyés sur le dernier anneau, terrible, menaçant, la gueule démesurément ouverte, le cou gonflé, ils semblaient se livrer à une danse infernale. Tantôt se roulant, se tordant, se mordant eux-mêmes jusqu'au sang, ils cherchaient à se tuer pour échapper à la torture, mais les sifflements continuaient à retentir jusque dans les profondeurs des bois. Déjà, le vieillard avait préparé une baguette de conneries longue et souple, et une espèce de fourche très flexible, dont les pointes étaient très effilées, dont les branches ne s'écartaient qu'aux extrémités pour se rejoindre à mi-fente comme des ressorts flexibles. « Que va-t-il se passer ?» demanda Elora. « Ils vont venir, » répondit Aruj. « Qui donc ? Les mâles. Ne comprends-tu pas que les femelles les appellent comme au temps des amours ?» Puis regardant un grand nuage noir qui se formait à l'horizon, « Ils seront nombreux. L'électricité les anime et les pousse. » En ce moment, il prit en main une des femelles qui venait, malgré les difficultés de l'ascension, d'arriver sur le rebord de la marmite. Il la replaça dans l'intérieur, mais il fut mordu à la main. Laura poussa un léger cri. « Quelle imprudence » fit-elle. Il sourit. « La blessure est inoffensive, » dit-il. « Toutes ces femelles sont privées de leurs crochets. Je les leur arrachai, mais voici les mâles. Garde à toi, Laura. » Dans la direction que lui indiquait le vieillard, Laura vit une certaine agitation dans les herbes qui s'inclinaient sous des poussées invisibles. Puis soudain, sur le terrain dénudé qui s'étendait autour du foyer, des reptiles débouchèrent. Ils étaient plus de 30. « Belle chasse, » dit Aruj. « Bon début. » Les mâles de vipères s'étaient un instant arrêtés indécis. La vue du chasseur les effrayait. Les appels des femelles continuaient plus stridents que jamais. Elles flairaient les mâles. Ceux-ci s'enhardirent et rampèrent contournant le foyer pour éviter Aruj. Aussi, celui-ci, s'élançant avec une agilité incroyable chez un vieillard, tomba au milieu des vipères et de sa baguette de conneriers, les frappa avec une telle adresse que d'un coup sec, il sépare la tête du tronc. Le corps frétillait longtemps sur le sol. La tête vivait, s'ouvrait, menaçait pendant 10 minutes. Le regard ne s'éteignait qu'au bout d'une demi-heure. D'autres bandes survenaient. Aruj, sa baguette d'une main, sa fourche de l'autre, continuait la chasse avec une ardeur passionnée. Il poussait des cris rauques et frappait toujours. Mais Laura le vit s'interrompre. Déjà plus de 50 vipères jonchaient le sol quand il fit signe à la jeune femme qui, par prudence, était montée sur un roc. « L'aspic !» lui cria le vieillard. Elle le vit prendre sa fourche à la main droite et courir un reptile qu'il cloua sur le sol. Les deux branches de l'arme s'enfoncèrent dans le sable sans percer l'aspic, mais le corps de la fourche pinça la vipère. Le vieillard poussa un cri de triomphe. « Laura ! Belle chasse ! Laura, l'aspic est le plus beau que j'ai jamais pris. Laura, j'ai pour nous !» Il releva son arme et montra une des plus rares vipères que l'on put rencontrer dans la forêt. Elle mesurait près d'un mètre. Aruj la saisit par la queue et la dégagea de la fourche. Laura s'attendait à voir le reptile s'enrouler autour du bras du chasseur. « Que fais-tu donc ? » cria-t-elle. « Ne crains rien. La vipère ne peut, comme la couleuvre, se relever quand on la tient ainsi. » Il connaissait à fond toutes les particularités qui caractérisent l'espèce. Il prit l'une des boîtes qu'il destinait à ses prises et y enferma l'aspic. Mais le nombre des vipères avait augmenté autour du foyer. Plus de 100 reptiles dansaient en cercle et répondaient aux appels des femelles. Une odeur de musc insupportable se répandait dans l'air. Aruj ressaisit sa baguette et recommença sa chasse avec enthousiasme. Il couvrit le sol de débris, puis encore une fois, il reprit sa fourche et s'empara d'un autre aspic. Celui-ci, fit-il, est plus petit, Laura. Mais il est aussi venimeux que l'autre. Il a sur la tête le hâtre marqué et sur le ventre des taches jaunes. Deux, c'est assez, dit-elle. Laisse, fit-il. Laisse encore chasser sa dernière chasse au vieil arruche. Je vais quitter la forêt pour toujours. Il faut que j'apporte au mien une bienvenue. Vois donc comme il en vient. Elle semble sortir de terre. En effet, autour du foyer, s'était rassemblée une nouvelle et nombreuse troupe. Arruche fondit sur elle, mais il se hâta, car le ciel s'assombrissait. Déjà, sur les feuilles, couraient des frissons précurseurs de l'ouragan. Dans les hautes régions de l'air, avant de s'abattre sur la terre, de grands souffles dispersaient les nuées noires par intervalles et formaient des pointes sombres sur les coins encore azurés. On eût dit que des griffes gigantesques déchiraient le ciel. Les arbres frémissaient avec des bruissements de feuillage, et du fond des ravins montaient des plaintes sourdes et la peur faisait bramer les cerfs. Arruche s'arrêta. Il enleva rapidement sa marmite de dessus le foyer. Il replaça dans leur sac ses femelles. Ce qui restait de mâles vivants se dispersa. Le vieillard ramassa toutes les têtes, les serra précieusement, puis il dit à Laura. « Il en est temps, gagnons le refuge. » Il se chargea de tous ses engins et ils se dirigèrent vers une grotte que connaissait Arruche. À peine y était-il à l'abri que l'orage se déchaîna dans toute sa fureur. Un coup de tonnerre long et retentissant fit trembler la forêt. Des torrents de pluie formèrent nappe entre ciel et terre. La rafale tourdit les chaînes séculaires, la fronde les renversa. Et pendant des heures, les grands bois gémirent sous la tourmente. Laura l'admirait. Un éclair vint à un certain moment l'envelopper d'une auréole et la placer au milieu d'une illumination fulgurante. Elle parut ainsi au vieillard un ange révolté, personnifiant la lutte de sa race persécutée contre la société qu'elle méprise et combat. Arruche dit, en s'inclinant, « Laura, tu seras la plus grande reine qui ait jamais guidé les tribus. Tu es l'espoir de la race. Tu enfanteras notre messie. » La comtesse se retourna. Elle fut frappée à son tour de l'aspect singulier d'Arruche à cette heure. La tête du vieillard s'était transfigurée. Ses yeux brillaient d'un éclat extraordinaire. Son front rayonnait. Et il semblait que son regard fouillait au loin les mystères de l'avenir. « Arruche, dit Laura, mon mariage m'a laissé vierge. Arruche, mes flancs sont toujours restés stériles. Je hais l'homme et sa domination. Arruche, ce n'est pas de moi que la tribu recevra son libérateur. » Mais lui, le bras étendu, le regard inquiet, il dit à la jeune femme, « Tu es à cette heure, oui, tu es à mort. Demain, femme, tu aimeras. De tous ceux des tribus qui savent prédire les événements futurs, je suis toujours celui qui fut le mieux doué. Je suis un voyant. Laura, tu aimeras, te dis-je, et ton sein sera fécond. Jamais, fit-elle. Il lui saisit la main. Je vois le père de ton enfant, dit-il. Je le vois puissant et fort. C'est un géant dont la tête domine les autres hommes. Il est jeune et il te hait aussi. Peut-être ne t'aimera-t-il jamais. Puis le sourcil froncé avec douleur. Laura, ton fils vivra. Laura, ton fils sera grand parmi nous. Il sera roi et grand roi, mais tu périras par lui. Ton amour te sera fatal. » La comtesse tressaillit. Arruche reprit, d'une voix altérée. « Oui, c'est la mort affreuse, loin des tiens. » Laura était pâle comme une morte. D'un geste, elle arrêta le prophète. « Tais-toi, tais-toi, tu m'épouvantes. » En ce moment, la fronde frappait la grotte avec fracas. La voûte s'ébranla, se fendit, et la comtesse crut qu'elle était perdue. Mais Arruche, impassible, lui dit, « L'heure n'est pas venue. Au jour où tu l'aimeras, commencera pour toi le péril. » La comtesse baissa la tête. Comme toutes les filles des tribus, elle croyait la clairvoyance des voyants, et celui-ci surtout avait une réputation établie sur des prédictions étonnantes. Elle se sentit condamnée. « N'y a-t-il donc, demanda-t-elle, aucun moyen de conjurer cette fatalité ?»« Non. Non, si tu l'aimes. Oui, si tu veux dominer ton amour. Mais... » s'écria la comtesse avec explosion. « je le hais de toute mon âme. »« Alors à toi la vie, » dit Arruche. Mais on sentait à son accent qu'il manquait de confiance. Elle se tut. Les révélations du vieillard sur l'état de son âme avaient éveillé en elle des souvenirs funèbres et des craintes superstitieuses. Elle s'enfonça dans un coin obscur de la grotte pour y méditer. Arruche se tint silencieux à l'entrée. L'orage, cependant, s'apaisait. Le vieillard laissa les arbres s'égoutter. La nuit était venue, nuit sombre, sous un ciel encore chargé de nuées. En vain, il attendit que le ciel s'éclaircît. Le temps resta couvert, alors il dit à Laura. « Il est temps de rentrer à Fontainebleau et de quitter la forêt. La route est longue. Partons, » dit Laura. Ils suivirent silencieux les sentiers humides encore. Elle, toujours rêveuse, lui, toujours attristé. Qui eût vu Laura dans ses chemins perdus, foulant la boue de son pied presque nu, n'aurait jamais reconnu la comtesse. Au fond, la grande dame était restée la bohémienne au corps d'acier. Elle allait insoucieuse des larges flaques d'eau qui barraient la voie, çà et là. Son esprit était ailleurs. Un ruche murmurait parfois entre ses dents, les paroles entrecoupées et se retournant, la regardait cheminer tête basse. Il se disait alors, « Qu'elle vive ! La nation sera libérée par elle. Qu'elle meure, et le salut viendra d'elle encore par son fils. » Ils arrivèrent enfin à Fontainebleau. La comtesse, pour éviter tout soupçon, dormit dans la voiture des bohémiens. Le lendemain, elle s'apprêta à partir pour Paris, après avoir revu à Ruche qui attendait l'ouverture des bureaux pour aller toucher une prime importante en présentant 200 têtes de vipère, la plus belle chasse qu'il eût faite. Le vieux bohémien reçut les ordres de la comtesse avec joie. « Je t'accorde, dit-elle, 8 jours pleins pour revoir les tiens. Le 9e jour, tu te présenteras à Paris chez moi. Tes frères te recevront. Tout se passe pour mes domestiques. On les croit gens de Hongrie. Tu seras toi-même vêtu en hongrois et tu joueras le rôle d'un vieux serviteur qui régirait mes domaines dans les environs de Bade. Tu es censé venir rendre des comptes. Tu apporteras les vipères. Bien, dit Aruche. Comment feras-tu pour passer ton sac à la barrière sans qu'on le visite ? On le visitera, répondit Aruche. Seulement, il n'y aura rien dedans. Je cacherai le vipère dans ma poitrine. Tu leur auras donc arraché les crochets ? Il ne le faut pas. Je leur laisserai leurs dents, dit le vieillard, mais je les endormirai. Comment t'y prendras-tu ? La vipère mange des grenouilles. Je ferai prendre quelques gouttes d'opium à 2 grenouilles, que je jetterai ensuite en pâture aux 2 aspics, avant de prendre le train. Elles en auront pour 12 heures avant de s'éveiller. C'est tout le temps nécessaire. La comtesse fut frappée d'une idée. En réglant la dose d'opium, demanda-t-elle, peut-on endormir les aspics plus ou moins longtemps ? Oui, certainement, dit Aruche. Cela simplifie les choses, murmura la comtesse. L'exécution de mon plan devient plus facile. Que craignais-tu ? Les hésitations d'une femme chargée de placer cette vipère dans un lit. Elle aurait peur d'être mordue par l'aspic si celle-ci ne dormait point. « Puis-je voir cette femme ?» demanda Aruche d'un air discret. « Oui, » dit la comtesse. « Alors je la familiariserai avec les reptiles et elle se rassurera. »« Je compte te voir au jour fixé, » dit Laura au vieillard, « et songe à te taire. »« N'ai-je pas pris le silence pendant de longues années d'exil » fit-il. Puis avec une tendresse inquiète, il rappela sa prédiction de la veille. « Hier, dit-il, l'orage, la chasse, la joie de la délivrance m'ont inspiré. J'ai vu clair dans l'avenir. Le souffle des esprits d'en haut m'a visité, et je suis sûr d'avoir été illuminé. Songe à ma prédiction, Laura. Songe à la résolution qui peut te sauver et tue ce jeune homme. J'y suis résolu, fit-elle en pâlissant. Si tu dis vrai, je mourrai tranquille, sûr que notre reine sera glorieuse. » Laura était en proie à une émotion profonde. Cette conversation lui pesait. « Je pars, » dit-elle. « Je te souhaite un heureux retour près des tiens, Aruche. Ne manque pas ton rendez-vous. J'y serai, » dit le vieillard. « Mais encore une fois, sois impitoyable contre ce jeune homme. » Elle répondit par un geste de sombre résignation et s'éloigna.